Cyprès du malheur, à Lille. De Michel Quint. Pardon. Bonjour, je suis bien chez Monsieur le Père Noël. Exactement. Vous y êtes, mais le patron est absent, parti faire préparer son traîneau, ses rênes, sa route. Bruno Delage a regardé par-dessus son épaule. Une petite fille, pas si grande, solide dans son anorak fuchsia, le visage mangé de grands yeux pâles, une énorme mousse de cheveux blonds, très little lady à caractère trempé, avec son menton levé, presque inquiétante de beauté lointaine. Elle était debout dans le jour gris des hautes fenêtres, parmi une forêt de jouets de seconde main, comme une grande poupée, près de la porte qui donne sur le large couloir ouvert au milieu de l'ancienne halle au sucre, au bord d'un port fluvial disparu où des péniches, des bateaux faisaient commerce autrefois dans le vieux Lille. Commissariat, mairie de quartier et des salles prêtées aux associations. J'ai bientôt 6 ans, mais je sais déjà presque lire. En tout cas, Noël écrit sur les tissus dehors, j'ai reconnu. Et comme c'est plein de jouets, j'ai deviné. C'est bien. La grande école n'aura plus grand-chose à vous apprendre, mademoiselle. L'inscription complète est Noël des petits déshérités. Vous comprenez ? Le Père Noël organise une distribution spéciale de cadeaux pour ceux qui n'ont pas de famille ou pas de maison. Et vous l'aidez ? Chaque mercredi après-midi. Vous voyez toutes ces caisses sur les étagères ? Je range les jouets qu'il m'apporte avant qu'il lise son courrier, ses commandes, et fasse la répartition entre les enfants. Mais mon vrai métier, c'est instituteur, hein. Directeur d'école. Alors, je dois faire une lettre pour demander ce que je veux ? Et dis-moi-tu ? Bien aimable, mademoiselle. Je peux transmettre ta commande. Bon, après, pour la livraison, c'est plus moi qui décide. Si t'as des parents, une adresse, peut-être il vaut mieux que tes cadeaux arrivent chez toi. Comment tu t'appelles, mademoiselle ? Paganel Emeline. On dit Lynn. Et toi ? Bruno Delage. Enchanté. Écoute, je vais toujours prendre note de ce que tu désires et le Père Noël avisera. Bruno a redressé sa carcasse de mal nourri, pas très grand. Maigre comme un sang de clou, disait sa mère. Gueule de quichotte. Il a passé une main sur ses cheveux pâles, aussi ras que sa barbe, tiré sur les revers en fausse fourrure de sa canadienne, puis il a contourné des tables couvertes de joujoux d'occasion, Playmobil, Lego, nounours, des piles de boîtes pleines de voitures téléguidées, de consoles de jeux vidéo. Il a déniché son cartable et sorti un cahier de brouillon, un bic, histoire de faire semblant. Cette petite sortait d'un bon milieu habillée ainsi. Cette façon de parler, ce Noël des nécessiteux n'était pas pour elle. Alors, nous disions, pour Lynn Paganel... Une panoplie d'arbitres de rugby. T'es sûr ? Je sais pas si ça existe, les panoplies d'arbitres, hein ? Même d'un autre sport. Le temps que Bruno commence à peine d'écrire la commande sur son cahier, qu'il en mesure le bizarre, il s'est interrompu, a relevé la tête. Le temps de rien, la salle était vide. Lynn disparut. Lynn Paganel ? Sans penser à pourquoi, il s'est précipité dehors par le couloir, logiquement vers le côté rue des archives où, dans la brise humide de novembre, flottait le calicot de l'opération caritative lue par Lynn. Personne dans la rue déserte. Est-ce que Lynn avait eu le temps de traverser la chaussée pavée, d'entrer dans une maison ? Possible. Vite, l'autre bout. Pas mieux. Désert aussi le petit jardin public planté de peupliers nus en contrebas du très vieux Pont-Neuf. Et Bruno s'est trouvé bête, comme d'avoir croisé une femme séduisante et de l'avoir perdue dans la foule. Le mercredi suivant, dernier jour des vacances de Toussaint, dans le glacé du local de la halle, Bruno aide Agathe, une autre bénévole, à trier les déguisements d'hiver qu'il va falloir nettoyer, réparer, classer par taille. Forcément, il raconte, Lynn, son désir d'un costume d'arbitre, de rugby, s'il vous plaît. Agathe, professeure de couture dans un lycée professionnel, conçoit ses vêtements elle-même. Sur n'importe qui, ses chemisiers au décolleté retaillé large, ses robes reprises dans une longue camisole de grand-mère en coton, le fourreau qu'elle s'est cousu une fois avec des bandes velpeau plus près du corps, c'est pas possible, ni plus minimal, sur n'importe quelle femme de 35 ans, ses dégaines feraient pouf. Sur elle, c'est de la séduction sans triche. Bruno parlerait même d'élégance. Parce qu'Agathe est bonne fille, capable aussi de passades féminines, les lèvres à hauteur de baiser, un corps à la Rubens. Brune, douce de trait, la frange au ras des yeux mentalo. Elle connaît la chanson. Et elle a un cœur d'artichaut, elle le sait. Ne fait pas mystère que si Bruno voulait bien, mais on la tuerait avant qu'elle avoue l'aimer à un point. Vous ne pouvez pas savoir. Parce qu'elle s'imagine ne pas le mériter. Il est trop bien pour elle. En attendant, elle sert de petite main dans l'opération de collecte de jouets. Reprises, ourlets, boutons, coups de fer. Toujours avec un sourire de femme comblée. Ce qu'elle n'est pas. Je m'en occupe, moi, de la tenue d'arbitre de la petite. T'inquiète pas. Une pièce unique, ce sera. 6 ans, tu dis, hein? Bon. Et là, tout de suite... Je vais te remettre à neuf. C'est-à-dire ? Ton vieux costume de Père Noël, tout mâchuré à force. On le jette, et je t'en refais à neuf. Où elle habite, cette gamine ? Te l'as en classe ? Encore un peu, on dirait que t'es amoureux. Elle fait plumeur son âge, et insaisissable. Comme les gamines qui en ont déjà trop vu. J'ai vu 2-3 cas chez mes élèves, des repliés sur eux-mêmes, à cause de problèmes familiaux pas jolis. J'aimerais bien rencontrer les parents, une intuition. Tu la reverras. Elle viendra chercher sa commande. Déshabille-toi. Qu'est-ce que j'ai foutu, ça ? Tu veux que je me mette à poil ? Et pour me faire quoi ? Prendre tes mesures, couillon. Enlève ta canadienne et relève ton pull. Ça suffira. Je vais pas te violer. Quoiqu'après tout, on pourrait prendre un peu de bon temps, là, non ? Sur ce lit d'amour. Oh, allume, mon Bruno. Sois mon papa Noël. Agathe. Ok. Alors, voyons. Tour de poitrine. Pas mal. T'as des pectoraux. Tour de taille. Oh là là, t'es gaulée athlète. Bon, les cuisses maintenant. Écarte les jambes. Oh, elle est magnifique. Vous gênez pas pour moi? Je vous laisse ma proposition de menu pour le goûter Noël des sushis, histoire de changer un peu et l'estimation des dépenses. Oh, Jean-Paul! Jean-Paul! Sois pas con! Agathe voulait juste me manger cru, en sushi justement! Jean-Paul, écoute! Agathe prend les mêmes mesures pour un nouveau costume de Père Noël, qu'est-ce que tu vas imaginer? Rien, c'est vos affaires. Juste, je la savais pas aussi vulgaire. Faut que je m'habitue à me compromettre, parce que, comme collègue, je la vois tous les jours au bahut. Elle parlait de ma cuisse, Créta. Et pour se moquer de moi, à Canary, on est plus musclé. Bon, dis-moi, tes sushis de Noël, tu... Bruno se tait, d'un coup. Un rideau s'est écarté en face, au premier, sur le visage impassible de Lynn qui fait coucou de la main, et le rideau retombe. Après, dans la nuit un peu sale de la ville embrumée, Bruno éteint les lumières de sa caverne à jouets. Avec Agathe, ils ont bien avancé dans la préparation de l'opération. Mise à jour des listes de bénéficiaires, tri de tout le stock de textiles, nippes de fées et de pirates, frac de magiciens. Agathe a emporté tout ce qui nécessite des retouches. Entre deux, ils ont ri du coup de sang de Jean-Paul, dont il a aussi fallu mesurer la portée. Crise de jalousie ? De quel droit ? Pas question de laisser la vie privée influer sur l'engagement associatif. Ils sont d'accord. Mais Agathe a convenu qu'elle a une liaison en pointillé, pas tumultueuse, nerveuse, avec Jean-Paul, dont on connaît tous le côté épidermique, un rien porté sur l'alcool et la générosité. J'ai une histoire avec lui, tu sais. Enfin, une histoire. En pointillé. Et puis il m'a demandé en mariage. Et tu lui as dit quoi ? Ah, que j'allais réfléchir. Mais je crois que je vais accepter. À Noël, tu vois. Un oui comme un cadeau au pied du sapin. C'est pour que je sois amoureuse, non, mais... Je sens bien que je le vois venir. Le crépuscule des amants. Et puis il faut que je te le dise après tout. Ça dépend de toi, en fait. De moi ? Si tu veux de moi, même un peu, une fois par semaine, une fois par mois, une fois l'an, je lui dis non. Je le renvoie aux orties et je t'attends. Tu sais, comme dans la chanson, je serai l'ombre de ton chien, l'ombre de ton ombre. Ne me quitte pas, Bruno. Elle plaisante, sauf que pas vraiment. Bruno s'est contenté de lui sourire, de lui embrasser doucement la joue, ému. Troublé même. Il n'est pas un moine, mais les dames et leur trahison, il a besoin de temps avant de s'y frotter de nouveau. Non, Agathe ne connaît pas la traîtresse de Bruno, une Italienne de Sienne que la distance a fini par lasser après 10 ans de romance intermittente et à la con. Agathe a hoché la tête, rassemblé son ouvrage et elle est partie. Bruno a encore un bon mois de sursis pour accepter son offre. Ce soir, elle va calmer Jean-Paul, le rassurer. Pas la peine d'expliquer comment. Bruno pense encore à la déclaration d'Agathe quand il débouche dans la rue, s'apprête à remonter vers son école et son appartement de fonction, 5 minutes à pied vers la Deule canalisée. Et elle est là, Lynn, en anorak fuchsia, impassible et grave, presque sévère. Elle allait demander des nouvelles de sa commande, et puis elle a vu les lumières s'éteindre. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Oui, la panoplie d'arbitres de rugby. J'en ai parlé au Père Noël, il va s'en occuper personnellement, surveiller la fabrication de ce cadeau spécial dans ses ateliers. Il parle sans sourire et le visage de Lynn se détend, comme si la réponse de Bruno engageait une dimension vitale de son existence. Merci. Et en même temps, elle penche la tête, le regard de l'autre côté de la chaussée, s'élance, à l'instant où Bruno voit surgir trop vite une voiture au coin de la halle. Lynn est déjà au milieu du pavé. Là-bas, une femme laisse tomber son sac, se précipite, mais elle est trop loin. Bruno voit cette scène immobile et lui seul est en mouvement. Bondir, saisir la petite au passage, rouler sur le trottoir d'en face et puis sentir que tout se remet en marche et se relever, vérifier que Lynn est indemne et se faire repousser par la femme qui serre la petite contre elle. Et pendant qu'il se rajuste, étourdi, même pas de réaction devant l'accroc à son jean, ni dessous, devant la coupure au genou visible par le trou et le sang qui coule. Il regarde cette femme en manteau matelassé sombre, des cheveux roux foncés aux épaules, cette peau diaphane, pommettes marquées, lèvres fortes, et le semis de son à son nez droit, les yeux d'un gris presque transparent. C'est Bruno, maman. Il travaille pour le Père Noël. Pour le bon Dieu aussi, je crois, non ? Si vous n'aviez pas été là. Merci, monsieur. Je suis la maman de Lynn, Jessie Crespin. Vous voulez monter chez nous ? Il faut nettoyer cette vilaine blessure, vous saignez. Bruno sent sa chaussure se noyer de sang et il n'a plus de mots. Il est ému aux larmes par les yeux de Jessie. Foudroyé. Et il obéit. monte se faire soigner dans la cuisine désuète, formicable ciel et acier laqué, du petit appartement au plancher blond, à large lame, meublé et modeste. Un logement pour colocation étudiante. J'ai cherché la trousse. Pendant que Lynn regarde la télé au salon, il ôte sa canadienne, retrousse son pantalon, comprime l'entaille avec un linge, que le sang s'arrête. Et Jessie sort sa trousse de secours, alcool, stéristrip, pansement. C'est tranché net, au-dessus du genou, dans le gras. Il peut plier sans trop de mal. Et ainsi, tout noué de voir Jessie penchée sur sa plaie, sa robe de lainage noir, et cette façon de lever sur lui ses yeux d'eau, sourire presque. Attention, ça va piquer. Je suis directeur d'école. Célibataire, pas d'enfant, jamais marié. Jamais, c'est vrai. Hein. Je m'occupe d'une association. On organise un goûter pour les petits démunis et là, on est en train de fabriquer une panoplie d'arbitres de rugby pour Lynn. Vous n'êtes pas obligé. Vous voulez un café? Oui. Et vous? Moi? Vendeuse dans une des boutiques chics rue de la Monnaie, à deux pas. Des vêtements pour femmes. Et... Si je suis mariée, non. J'ai vécu 2 ans avec le père de Lynn. Elle porte son nom, Paganel. Bruno la regarde droit. Il attend. Le truc du confesseur marche avec les élèves qui ont un aveu difficile à formuler. Elle s'occupe les mains 1 minute à sortir des tasses, un sucrier, et cède. Se confie à cet homme au jean troué, à la chaussette remplie de sang. Vite, Bruno comprend que ses paroles remplacent aujourd'hui les larmes des mauvais soirs, ici, à la table de cuisine, une fois Lynn endormie. Asseyez-vous. Merci. J'ai fait un BTS vente, et mon stage s'est déroulé dans le garage Paganel, à Jean Peugeot en Avignon. 2 mois. À la fin, j'ai prolongé et au lieu de faire un rapport nécessaire à mon examen, j'ai fait un bébé avec le patron. Bah, tant pis, c'est 20 ans de plus que moi. Je crois qu'on s'est aimé. Un type bien. Quand on s'est séparés, sans se plaindre, il a payé ma part d'associé dans une boutique de fringues déjà. Il n'a pas réclamé la garde de Lynn. Pourtant, c'est moi qui l'ai quitté. Par amour fou pour un client. Un jeune architecte de 35 ans, Jérémy Fournier-Latour. Vous connaissez peut-être ? Non. Non ? Pas important. En janvier, il y aura 4 ans que j'ai posé mes valises chez lui. Et 3 mois que je l'ai fui pour ne pas mourir. Je vous embête avec mes histoires. Pas du tout. Il était violent ? Oh non. Il était pire. D'abord, il vient de la DAS, comme moi. Je sais plus comment on l'a découvert. Et puis, une star de la profession. Beau, hein, intelligent. Et capable de me faire croire que je l'étais aussi. Pour notre première soirée, il m'a invité à une première du festival, dans la cour du Palais des Papes. Je voulais pas y aller. J'étais pas à ma place. Le théâtre, j'y vais jamais, pas l'habitude. En revanche, je devinais la suite. J'en avais envie. Oh putain, oui. Paganel m'a poussé. Vas-y, on refuse pas un bon client. Cocktail, après la représentation avec le Tout Avignon. Il m'a montré, oui, montré, comme une femme exceptionnelle, une muse d'idées. Il allait construire des maisons comme un couturier dessinerait des robes pour mon corps. Je touchais plus terre. Au petit matin, il m'a baisé dans le parking. J'ai adoré. Deux jours plus tard, je débarquais avec Lynn toute petite dans son duplex du centre-ville. Piscine en terrasse, c'est un luxe. Vous pouvez pas imaginer. Le paradis. 3 gros mois, 4 peut-être. Cadeaux, voyages, dîner au champagne, la belle société d'Avignon à mes pieds. Lynn traitée en petite princesse et du sexe à plus savoir quoi. Je ne vivais que de lui. Le premier couac, je me souviens, c'est quand j'ai annoncé le cadeau de rupture de Paganel, une boutique avec mon amie Claudia. J'ai dit un local en face de la salle Benoît 12. Il m'a repris en face de la salle. Claudia est la seule au courant de tout. Elle joue au rugby. Lynn l'adore. La panoplie d'arbitres, c'est pour ça. À partir de là, tout s'est dégradé. J'ai accepté l'enfer. La torture permanente à en espérer une mort qu'on ne se donne pas parce que la souffrance est encore jouissance. Elle vient de lui. D'abord, il m'a empêché d'aller tenir la boutique. Claudia n'a qu'à se débrouiller, cette Gwyn Omas. Qu'est-ce que tu vas vendre des horreurs à des jeunes poufs celluliteuses? Et puis, le nom, Fanny's. Bravo, l'allusion à baiser le cul de Fanny à la pétanque. Tu tiens un claque, ma chérie, ou bien tu payes de ta personne. Ensuite, il m'a accusé de le voler et aller réclamer de l'argent à Claudia pour se rembourser. Il en a parlé à un dîner que j'étais kleptomane, mais avec une telle compassion, des baisers, des tendresses. Ma chérie, l'argent n'a aucune importance. Vole-moi autant que tu veux, parce que si tu ne me voles pas, je sais que tu n'hésiteras pas à monnayer quelques caresses sans lendemain. On l'a plaint de me supporter malade et j'étais pas grand-chose. Après, il a critiqué les progrès de Lynn. Cette petite est handicapée. Elle n'a aucun vocabulaire. Fais-moi le plaisir de ne pas l'exhiber quand des amis sont chez nous. Et ma façon de m'habiller se portait plus. Ma pauvre fille, non seulement ton comportement social est désastreux, me montrer avec une voleuse, à demi nymphomane de plus, tu imagines ce qu'on pense de moi, mais traîner une tulle désir en ville, c'est tout simplement un chemin de croix. Je me souviens de ces paroles exactes. Moi, je faisais des efforts. Je surveillais mon accent. J'apprenais le dictionnaire par cœur. Je portais des robes très sexy, des transparences. Je cherchais à plaire à ses fréquentations. Lui, il attendait qu'on arrive au dîner, au cocktail. Et là, il faisait une tête de curé, échangeait des regards offensés avec les femmes de ses copains, soupirait, se tenait loin de moi pendant que ces messieurs me mettaient la main au panier. Jessie, t'es bonne, toi. Jérémy dit que t'en demandes avec n'importe qui. Et après, à la maison, il m'ordonnait de lui faire une pipe pour le calmer. Et un soir... Non, ça, je peux pas. Le pire, c'est que je suis pas sûre de le renvoyer s'il sonnait là. À l'instant. Parce qu'elle la retire brusquement, Bruno s'aperçoit qu'il tenait la main de Jessie par-dessus la table, qu'elle gémit comme un chiot qui rêve, et que le café est froid. Alors il se lève. Elle s'essuie les yeux avec la manche de sa robe. Je dois être affreuse. Et pardon de raconter mes petits ennuis. Non. Merci de votre confiance. Et merci pour les soins. Vous pourriez être infirmière. Et le café, merci. Si un soir je vous fais des pâtes dans mon logement d'Astide, vous viendrez avec Lynn? 5 minutes à pied. Vous pourrez vous habiller à votre convenance, faire des fautes de grammaire, voler tous les livres que vous voulez. Je ne possède rien d'autre qui vaille la peine. Oui, volontiers. Le matin qui suit, en Avignon, le mistral d'hiver aiguise les lignes des façades et des pignons, lime la pierre des remparts, et les passants remontent leur col. Jérémie, gueule de consul romain, chevelure capricieuse d'artiste hors convention, remet en place celui de son pardessus soie et mohair avant d'entrer chez Fanny. Le timbre de la boutique couvre un instant le clapotis de l'eau brassée par les roues à aubes du ruisseau de l'autre côté de la rue des Teinturiers. Il s'immobilise sitôt passé la porte du magasin au décor minimaliste blanc. Peu de vêtements exposés. Une robe noire jetée sur un ancien prie-dieu, quelques chemisiers posés sur le cadre, le guidon d'une bicyclette à jantes de bois, quelques pulls, d'autres robes ou des jupes, enfouillis dans les tiroirs demi-béants d'une longue et vaste commode laquée de blanc qui sert aussi de comptoir. J'arrive, hein. Ne partez pas tout de suite avec la caisse. Attendez d'avoir payé vos achats. Bonjour, bonjour. Le courrier de ces dames. Ça. Presque rien aujourd'hui. Allez, au revoir, bonne journée. Je ne vends pas au pervers narcissique. Pervers, comme tu y vas. Sûrement, je mérite le vocable en son acception commune, mais pas le qualificatif de narcissique. Personne mieux que moi ne connaît mes torts, ni l'envie que j'ai de les réparer. Je te vois venir. Pas question que je te donne son adresse. D'ailleurs, je l'ai pas. Est-ce que je te demande de trahir votre amitié ? Non. Ce qu'il y a entre vous est sacré. Quand même, sache-le. Vivre sans Jessie, vois-tu, Claudia, m'est impossible. J'en mourrai d'abandon. Tu es complice d'un meurtre si tu ne m'aides pas. Seulement complice ? Mais je fais pas les choses à moitié, moi. Fous le camp ou bien je t'assassine direct. Je suis navré. Désolé qu'on en arrive là. Paganel n'a pas voulu donner de nouvelles. Normal, Jessie le tient parce que Lynn est avec elle. Elle peut faire chanter son ex autant qu'elle le veut. Tout cela est bien triste. Sérieusement, Jessie devrait se faire soigner. Je ne veux que son bien. Je l'adore. Allez, lâche cette paire de ciseaux. Je m'en vais. Pas question de mourir poignardé par un pilier de rugby. Demi de mêlée, t'y connais rien. Eh bien, je te prends au mot. Tiens, je vais te prouver ma bonne volonté. Tes prochains matchs, c'est où, quand ? À domicile, mon club, c'est Montpellier, donc le stade de la Mosson dans 15 jours. Et à Villeneuve-d'Ascq, début décembre, je crois. Villeneuve, c'est où ? À côté de Lille. Oh, un peu loin. Je vais essayer de venir à Montpellier, surmonter mon dégoût de tout, mon désamour de vivre. Et sinon, je te souhaite à toi et à ton équipe plein de victoires. Passe une bonne journée, Claudia. En sortant, il froisse dans sa poche la carte postale au beffroi. Les jours suivants, pour Bruno, sont tous des mercredis. Sitôt la classe finie, il accourt à la halle au sucre faire semblant de tenir une permanence élargie. En réalité, il tue le temps, guette le retour de Jessie, refuse même de recevoir des dons en dehors des vrais mercredis. Faudrait pas que Lynn assiste à la collecte de joujoux d'occasion. Parce que la plupart du temps, il va la chercher chez sa nounou, une veuve pas bien vigilante, mère de trois fils désormais au loin qui survit de garde d'enfance sur le même palier que Jessie. La brave dame laisse la petite aller attendre le retour de sa maman avec Monsieur Delage, l'employé de Papa Noël, comme elle dit, avec des mines de complot. Bruno s'assied, la prend entre ses genoux et, ensemble, ils explorent à haute voix des livres pour enfants, des contes, où Bruno suit du doigt les lignes. Peu à peu, Lynn apprend à reconnaître des mots, devance la lecture de Bruno, et il est certain qu'elle se débrouillera seule bientôt. Agathe profite de l'ouverture quotidienne du local pour rapporter les déguisements qu'elle a retouchés. Ça lui libère le mercredi, vu que le mercredi, Jean-Paul a décidé de cuisiner pour elle et de faire son éducation du goût et des autres sens, vu que tout est lié à ce qu'il prétend. Elle en parle en douce, que Lynn n'écoute pas, avec des airs gourmands de passer à la casserole, se faire poêler aller-retour et ainsi de suite, qui font hurler de rire Bruno. Pas elle. Elle voudrait tâter d'un autre cuisinier. Sinon, elle gardera Jean-Paul définitivement par défaut. Tout dépend de Bruno, qui, à ce point de la conversation, change de sujet. D'autant qu'il arrive que Jean-Paul passe aussi donner un coup de main. Commencer à diviser les jouets en lots, à les emballer. Il a dit à Lynn qu'il faisait à manger pour le Père Noël et il lui a montré sa batterie de couteaux à sushi. Fatalement, Jessie a fait la connaissance du couple et sympathisé avec Agathe. Ces deux-là se sont trouvés à fleur de peau. Peut-être que Claudia pourrait commercialiser certains des modèles d'Agathe. Des pièces uniques d'abord, en attendant d'essayer de produire une ligne de chemisier ou de... Faut voir. Pour l'instant, ce n'est pas envisageable, mais on peut y penser. Quand Jessie aura réglé des problèmes personnels, familiaux, qu'elle préfère taire pour l'instant. Jean-Paul n'a rien contre les petites privautés sensuelles consenties par Jessie à Agathe. Les lèvres effleurées... Une main basse sur les reins au moment d'un bisou, elle l'exciterait plutôt à les comprendre. Et il est rassuré de sentir la complicité tacite entre Jessie et Bruno, de voir les fois où elle a l'œil plein de ciel d'hiver, où l'instinct la prend par les épaules, la réconforte d'un geste. Allez, on n'est pas loin des draps froissés et des grands cris de plaisir. Jean-Paul le pense en ces termes et ça lui calme les inquiétudes amoureuses. Agathe est pour lui. L'autre fois, celle de la prise de mesure, il s'est mépris. Agathe lui a juré. Il n'y a rien de chez rien entre Bruno et elle. Bah alors, tu vas nous inviter à aller manger ces pâtes. Les pâtes? Ah oui, bien sûr, je vous invite. Des pâtes? Puis quoi encore? Je vais vous préparer un menu 5 étoiles. Pas plus tard que le samedi qui vient, vu que Jessie travaille pas le dimanche. Au moins, est-ce que t'as le gaz, Bruno? Parce que travailler à l'induction, c'est la honte. Oui, j'ai le gaz. J'ai même de la vaisselle. Il faudra juste que tu apportes la batterie de cuisine nécessaire. Et l'affaire est conclue. Jean-Paul, tout à fait inconscient de son incorrection, des coups de coude d'Agathe confuses à un point et de la tête chiffonnée de Bruno. Mais Jessie était ravie. Elle a embrassé Agathe avec des douceurs de roman courtois et un soupir de fiancée impatiente. Mais oui. Allez, faisons-nous belles et beaux. Tout le monde sur 131. Et pour un dîner de gala. De gala. Oui. Voilà. Peut-être à cause de cette fête à deux confisquée, de la perspective de Jean-Paul envahissant, d'Agathe avec le cul entre deux chaises. Jusqu'au samedi, Bruno n'a pas ouvert le local. Or, le mercredi, il va sans dire. Il a demandé à Jessie l'autorisation de l'attendre dans l'appartement et de poursuivre avec Lynn l'apprentissage sauvage de la lecture. Sans répondre, rien qu'un regard d'ardoise mouillée, les taches de son soudain plus foncées au lumineux de sa peau de rousse, Jessie s'est contentée de lui confier un double de ses clés. Et chaque soir, assis au formica ciel de la cuisine, les mains tremblantes, ils se sont mis nus. Les enfances, les deuils, les espoirs et les déceptions, les deux frères de Bruno émigrés en Australie, ses parents retraités en Bretagne, ses paresses de poursuivre très loin des études, la famille d'accueil de Jessie après la DAS, des gens de cœur, Pas possible de leur confier le quotidien infernal avec Jérémy, qu'elle déballe là, impudique, terrible de lucidité, victime consentante d'un monstre, certaine de se trancher sans hésiter la gorge s'il en exprimait le caprice. Ma seule force est de ne pas retourner en Avignon, ne pas le revoir. Mais je comprends bien que tu ressens quelque chose pour moi, allez. Si je pouvais, je t'aimerais aussi, tiens. Si tu veux faire l'amour, pourquoi pas. Mais je suis pas vraiment là. C'est comme si j'attendais un seul être. Le pire bourreau qui soit. Pour l'instant, il faut que tu le saches. Je suis vide. Mon corps, je m'en fous. Tu peux me prendre si tu veux. Seulement, je subirai comme d'habitude. Tu veux ? Non. J'attendrai que tu te décides, toi. Que tu le veuilles. C'est pareil pour Agathe. Je la laisse me voler des baisers. C'est pas bien grave, et puis ça calme les jalousies de Jean-Paul, non ? Oui. Et il tâche de rire. Voilà ce qu'ils se disent le vendredi soir, avant de se séparer, la veille du dîner à l'école. Lynn est au lit, quand Jessie s'est soudain déshabillée au seuil de sa chambre, a passé le fourreau de satin émeraude emprunté à la boutique où elle est vendeuse. Bruno voit bien à quel point Jessie se méprise. Elle se foutrait à poil devant le premier venu pour se flageller. Peut-être, pour conjurer par un rien de pédanterie, il pense à Galatée, la statue de marbre qui s'anime pour Pygmalion. Sa poitrine, ses hanches, il pourrait tout dévorer cru. Il se contente de battre des cils. Très élégante. Moi, je n'ai qu'un costard en velours. Noir, ça ira. Le velours fait fort bonne figure sur la carcasse de Bruno, sur sa silhouette d'aventurier mal nourri. Ces dames pourraient assister à une cérémonie des Oscars avec leurs robes d'étoiles. Jessie, dos nu et décolleté, Agathe foutraque dans l'uniforme récupéré et trop étroit d'une fanfare ancienne, jupe plissée et veste croisée à boutons dorés, le tout lacéré aux endroits coquins, demi-recousu sur des aperçus de chair interdite. Jean-Paul, à rien de péter les entournures d'un faux smoking arruché pour soirée disco, a gardé son tablier de cuistot toute la soirée. Il s'est surpassé au fourneau. Bourguignon de bison, carpaccio de bison, grillade de bison... Bah quoi ? Bison, c'est bon. Avec en prime une exhibition de confection magistrale de sushi où ses couteaux ont étincelé. Déjà, avec les whiskies de l'apéritif, il était au-dessus de la ligne de flottaison. Et alors, jamais je tremble. La tenue du Père Noël est presque prête. Faudra que tu l'essaies demain, Bruno. D'accord. Et la tenue d'arbitre de rugby aussi. Oh, quasiment terminée. La petite la trouvera au pied du sapin. Et au fait, Jessie, pourquoi l'arbitre de rugby ? Bah, à Avignon, j'ai une amie avec qui je me suis associée pour la boutique, Claudia. Et elle est demi de mêlée. D'ailleurs, son équipe vient jouer au grand stade Pierre-Mauroy pile dans 8 jours. Ah non, c'est vendredi, la veille du goûter de Noël pour les petits. Vous connaissez l'histoire de l'ancien troisième ligne qui l'a perdu ? La ligne ? Perdu la ligne. Et on peut y assister à ce match ? Des femmes qui jouent au rugby quand même, ça vaut le déplacement, non ? Elle n'a pas des invitations, ta copine ? Moi si, je crois. On y va, nous, en tout cas. Hein. Elle nous a mis des places dans la tribune VIP. Et tu crois qu'on pourrait y aller, nous ? Tu veux ? Ah bah ouais. Lynn a passé la soirée à déchiffrer le petit prince. Les grandes personnes sont comme ça. En Avignon, Jérémy, patelin comme jamais, a demandé à sa secrétaire d'appeler Claudia, de se faire passer pour une voyagiste, de demander à quelle heure devait partir le bus qui conduirait l'équipe de rugby affronter le Lille Métropole Rugby Club. Magali en avait les yeux ronds. Monsieur va aller au match si loin ? C'est pour faire une blague, Magali. Ah ! Et mettez-le au parleur. Oui, allô ? Allô ? C'est la voyagiste. C'est juste pour vérifier à quelle heure on vous envoie le bus à Lille Europe pour vous amener au stade. Ah, l'équipe monte à Lille Europe en TGV, on doit arriver jeudi à 13h05. Mais pourquoi, il y a un changement ? Prenez-moi un billet dans le même TGV, mais pour mercredi, la veille. Bien, monsieur. Voilà le plan de Jérémy. Il sera à la gare Lille Europe pour guetter à bonne distance la sortie de Claudia et de ses coéquipières. Ce serait bien le diable si Jessie ne venait pas l'accueillir. Ensuite, il suffira de les suivre. Si ce plan ne fonctionne pas, recours au plan B. Aller au match, repérer Jessie parmi les spectateurs avant de la filer à la sortie du stade. C'est faisable. Elle sera certainement dans un business lounge. Jérémy sera aussi dans une loge VIP discrète. Une place obtenue grâce à des contacts noués au temps où il a participé ici à des journées d'urbanisme pour l'aménagement de friches lilloises. Avant que ne débute le plan Eura Technologie, comme on commençait d'aménager l'ancienne gare Saint-Sauveur, galerie d'exposition, resto, salle de spectacle, près de l'hôtel de ville. Bonjour, je voudrais vous louer une voiture. Pas tape à l'œil, hein, surtout pas. Quelque chose de passe-partout. Et puis, pour m'occuper, je n'ai qu'à traîner dans le vieux Lille. Lécher les vitrines des magasins de fringues. Rue Grande Chaussée, rue de la Monnaie. J'ai même une chance d'y repérer Jessie. Elle ne sait rien faire d'autre que discuter chiffon, cette grue. Je donnerai ma main coupée qu'elle est retombée dans son ornière de vendeuse. Après, ça sera facile de l'attendre, de la suivre jusqu'à chez elle. Et là, ta-ta-ta, sonnerie de trompette, devine qui vient dîner. Ensuite, je lui montrerai qui est le maître du monde. Il va poser ses bagages dans sa chambre d'hôtel, le Plaza, face à la gare de Lille Europe. Et le voilà à bagnauder aux lisières d'un jour brumeux qui ferme déjà boutique. Il est bien conscient que des femmes brûlant seules leur après-midi, jusqu'au retour de monsieur ce soir, petite cinquantaine et bijoux massifs, le regardent s'arrêter devant Vuitton, Hermès, avec des émois intimes. En d'autres circonstances, il déploierait son charme. Mais pas aujourd'hui, où il se doit à sa créature. Cette putain de salope ingrate de Jessie. Une fois que je l'aurai trouvée, je vais lui faire envie, l'exciter, et puis me refuser à elle, ou bien la sortir dans un bon resto et lui renverser du vin sur la robe. Chérie, tu n'en feras jamais d'autre. Va aux toilettes ôter cette guenille. Tu finiras le dîner en manteau. Oh oui. Il va de la sorte, sans but, achète une paire de jumelles, marche des heures, a envie d'un remontant à la nuit tombée. Il est rue de la Monnaie, pavé et bâtisse du XIVe siècle peut-être, rénové, classé. L'hospice Comtesse aussi, fondé par Jeanne de Flandre. Trop tard pour le visiter. Et les vieilles pierres pour anarchie, merci. Son pardessus est trempé de brouillasse. Il entre dans un bar à vin, se cale au comptoir, de biais, pour voir dehors. Le hasard et les choses bien faites, on ne sait jamais. Commande un gigondas, ergote sur les domaines, finit par condescendre à n'importe quoi. Votre verre, monsieur. Si jamais le vin ne vous convient pas, je vous change, hein. Salut, Jessie. Salut, Alain. Immédiatement, Jérémy se précipite vers la porte. 6 euros, monsieur. Tenez. Voilà 20 euros. Vous gardez tout. Hé, hey, il n'y a pas le feu. Vous n'êtes pas d'ici, vous dites pas le contraire. Excusez-moi, pardon, il faut que... Mais merde. Elle est à vous, la Harley ? Oui. Je peux m'asseoir ? Oui. J'ai la même. J'ai fait la route 66 avec, il y a quelques années. Bonsoir, Gilles. Jean-Paul. Je vous offre un verre ? Oui. Santé. À la vôtre. Une heure et une bouteille de Gigondas plus tard, Jérémy sait tout de Jean-Paul et du Noël des petits pas de chance. Il a même entendu parler d'Agathe et de la demande en mariage. Il s'est présenté. Gilles, dans l'immobilier, fou de Harley, a confessé se passionner pour le rugby féminin. Moi, je connais pas. Je connais un peu le rugby, mais... Et vous allez au match demain ? On s'y verra. Dis donc, je t'ai entendu appeler un certain Jessie. C'est pas un bouquin ? Jessie, c'est une fille. Rousse aussi. Tiens, c'est marrant. Moi, je suis prof cuistot. Mais ce que je voudrais, c'est avoir un resto de sushis. Bon, entre nous, Agathe et Jessie se lèchent volontiers la pomme. Je suis pas contre, ça pimente la relation avec Agathe. En revanche, il faudrait pas que Bruno tente une approche. Avec ses airs d'ermite sous-alimenté. Jérémy applaudit à tout. Le jeudi, à l'île Europe, il se contente d'observer l'arrivée de Claudia et ses coéquipières du haut d'une coursive sous la grande aile de la gare. Elle est pas mal, cette Agathe. Libérée de la fringue, ça c'est sûr. Mais pas bégueule, c'est évident, à ses abandons du corps quand elle bisoute Claudia qu'elle ne connaît même pas. Elle vaudrait l'entreprise de la piquer à ce primate de Jean-Paul. De la réduire à merci. Jessie est toujours aussi magnifique. La reprendre sera une jouissance. Sa fuite d'Avignon dit assez l'emprise que j'avais sur elle. Il est temps de resserrer les liens. La jouissance commence le vendredi en nocturne quand Jérémy assiste au match dans le stade couvert. À l'aide de ses jumelles, bien à l'abri de sa loge fermée, Jérémy observe, installé plus bas à leur place d'honneur, Agathe, Jean-Paul, Jessie et Bruno. Peut-être que lui. Il regarde plus Jessie que les joueuses. De mieux en mieux. Récupérer Jessie alors qu'elle pourrait commencer à regarder ailleurs. Voilà un défi excitant. À la mi-temps, Lille mène 14-3 devant Montpellier. Deux essais et deux transformations face à un drop de Claudia. Cette pétasse fière de ses muscles. Ils guettent leur remontée vers les espaces réceptifs derrière les loges. Ce poste à la porte entrouverte sur les barres, les manches debout. Avec un rien de bol, il peut coincer Jean-Paul au passage. Bien tenté. Parce que Jean-Paul ne peut s'empêcher de discutailler avec l'hôtesse responsable du buffet des amuse-bouches et que les autres, Jessie, Agathe, le laissant argumenter contre les verrines, passent dans le salon de rencontre, Jérémy peut lui Jean-Paul. Taper sur l'épaule. Oh, Jérémy, tu veux venir boire un coup dans ma loge ? Une petite goutte de genièvre, oh, ça va te plaire. T'as une belle descente. Un sushi ? Pourquoi pas ? Tu les trouves comment ? Pas mal. Mais les miens sont mieux. Tu en prépares pour le goûter de demain ? Il va falloir que je les goûte pour comparer. Bien sûr. T'as qu'à venir. César, la halle au sucre, tu sais où c'est ? Oui, je connais. Viens, je vais te présenter les gens dont je t'ai parlé hier. Oh, merci Jean-Paul, mais j'ai pas le temps là, j'ai quelqu'un à voir. À demain. Tu n'as qu'à finir les sushis et le genièvre. Merci. Le lendemain, bien avant le début du goûter, Jérémy reste longtemps dans sa voiture garée au bout de la rue des Archives sous un crachin moche. Ses jumelles lui servent encore à mesurer les arrivées. Bruno, Jean-Paul, Agathe, Jessie, Lynn, des troupes de gosses avec éducateurs, des gamins handicapés avec leurs parents, du pathétique merde. À moins le quart, il estime que c'est le moment. Il faut juste trouver une faille chez le cuistot. Sa jalousie, peut-être. Et il servira à foutre le bordel. Paniquer Jessie. Le manipuler va être un pur plaisir. Il rejoint Jean-Paul à travers la foule remuante des gosses qui piaillent et bousculent des alignements de chaises pliantes, à l'opposé de l'estrade basse, où le Père Noël distribuera bientôt les cadeaux entassés en piles multicolores. Où sont les autres? Sans doute là-bas, derrière le rideau. Agathe doit faire la billeuse pour Bruno. Jessie doit aussi y être avec la petite. C'est le coquin de Jessie, cette demi-portion. Quelle vanité de vouloir me remplacer. Ce serait bien qu'il assiste à la capitulation de Jessie, à son retour au bercail. Tu es un véritable artiste. Ah, t'es là? T'as eu le champion? Je suis le plus rapide au nord de la Loire. Tu goûteras après, hein? La distribution de cadeaux va bientôt commencer. Bruno, en Père Noël, il est gros comme un hareng sort. Personne n'y croit. Moi, je l'aurais bien fait, mais c'est son association. Faut pas marcher sur les plates-bandes. Ni celles des autres, ni les miennes. C'est ma devise. Un petit genièvre? J'ai piqué la bouteille au stade. Mais Jérémy n'écoute plus. Agathe, en robe chasuble bricolée avec des drapeaux flamands et français, est sortie de derrière le rideau, des listes en main. Elle commence à demander qu'on s'installe sur les chaises, qu'on fasse silence. Silence, s'il vous plaît! Silence! Le Père Noël va pas tarder. La distribution des cadeaux va commencer. Lynn, je passe en premier. Tiens-toi tout près. Jessie arrive à son tour, promène son regard tourterelle sur l'assemblée et se fige, vidée de son sang. Parce que Jérémy a fait un pas de côté, bien visible désormais au-delà de la foule qui reflue vers l'estrade. À l'instant où Jérémy sourit, elle a une sorte de grand soupir, fait demi-tour et repasse en coulisses, tombe dans les bras de Bruno, Père Noël maigriot qui ne comprend pas d'abord la litanie de Jessie. Il est là. Jérémy, il vient me chercher, je pourrais pas résister. Tu sais pas de quoi il est capable. Non, mais écoute, bon, tu vas filer chez moi. Il m'a vu, il me lâchera pas. Agathe. Jessie. Calme-toi. Ok. T'as qu'à faire le Père Noël à la place de Bruno. Moi, je t'aide. Et à la fin des cadeaux, quand tout le monde y fonce sur le buffet, toi, tu t'enfuis chez Bruno encore déguisé. Ton mec, il t'attendra. Et toi, tu seras déjà loin. Toi, Bruno, ouais. Tu restes ici pendant la distribution, invisible. D'accord. Bon, pour la suite, on avisera. Allez. Bon, tiens. Et ça. Allez, vas-y. T'inquiète, ça va. Allez. L'échange est fait en deux temps, trois mouvements. Ouais. Agathe aide Jessie, tétanisée, à passer le costume à peine trop grand. Dire qu'elle avait cousu un costume sur mesure pour Bruno. La réconforte, l'embrasse, la frôle, lui chuchote des tendresses, qu'elle est trop bien pour ce pervers. Quand le Père Noël entre sur l'estrade, que les enfants se mettent à applaudir, hurler de joie, personne ne remarque qu'Agathe le soutient, l'aide à s'asseoir, lui lèche un baiser sur l'oreille derrière la fausse barbe. Allez, tiens le coup, ma belle. Tiens le coup. Personne, sauf Jean-Paul qui attrape le bras de Jérémy. Oui. J'ai l'impression que le Père Noël va avoir un cadeau de roi. Ton Agathe. Oula. Regarde comme elle me prend aux épaules. Et que je me penche poser mes nichons contre sa joue. Eh ben, mon vieux, voir ma nana draguer Papa Noël en public, je supporterai pas. Question de plate-bande à respecter. Si tu veux, je vais lui faire signe que ça suffit. On ne se conduit pas de la sorte devant des mômes. Non mais regarde, elle le caresse en douce. Tu ne peux pas rester à rien faire. Sur l'estrade, Lynn vient recevoir sa panoplie d'arbitres, s'aperçoit avec étonnement que ce vieux barbu en rouge a les yeux de sa mère. Maman, c'est toi. Se pétrifie au point qu'Agathe prend le cadeau sur les genoux de Jessie, vite une pression rassurante sur la cuisse. Merci. Fourre le petit paquet enrubanné dans les mains de la petite toute désorientée, la reconduit et se retrouve devant Jean-Paul, écarlate, son couteau à sushi au poing qui bondit sur l'estrade. Traîné, tu crois que tu peux faire ta pute avec Bruno sous mes yeux ? Et il gesticule, dangereux, au point que l'assistance gronde, que le Père Noël se lève pour tenter de le raisonner à voix basse. Mais Jean-Paul, c'est moi, Jessie, c'est moi. Que je me mêle ? Et il lui suffit d'allonger le bras pour plonger son couteau en plein cœur de Jessie. Le cri immense d'Agathe fait taire l'assemblée. Bruno surgit des coulisses et tombé à genoux. Il ôte la fausse barbe du Père Noël. Le gris de ses yeux vire déjà à l'étain. Il soulève le buste de Jessie, la serre contre lui, tandis que Jean-Paul, hagard, regarde son couteau et remue les lèvres. Au bas de l'estrade, Jérémy a les yeux tristes et, par-dessus les sanglots de Lynn qu'Agathe tente d'éloigner, on entend sa voix d'apitoiement. Tout ça est encore de ta faute, Jessie. C'était « Si près du malheur à Lille » de Michel Quin. Adaptation Sophie Aude-Picon. Avec Alain Rimoux, le narrateur, Florence Loraicaille, Jessie, Dominique Parent, Bruno, Lucie Boissonneau, Agathe, Jean-Luc Vincent, Jean-Paul, Aurélien Recoing, Jérémy, Elsa Tauveron, Claudia. Et avec Marion Douminc, Jonathan Ekel, Caroline Breton, Grégory Dutreilly. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage, mixage, Jean-Richard Dufour, Lidouine Caron. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Sophie Aude Picon. Retrouvez sur la boutique en ligne du Monde la saison 4 des Petits Polars avec Le Monde et SNCF.